بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام bienvenue chers frères اليوم إن شاء الله تعالى سنحاول ويذاكر بعضنا بعضا Bima awjabahu Allahu alayna. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va essayer, on va se faire le rappel mutuellement. On va se rappeler de ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a rendu obligatoire. Sanatakallamu inshallah ta'ala an mas'alatin muhimmatin fi din al-islam. On va parler d'un sujet très important dans la religion musulmane. Wa kathirun min an-nasi man yaghfalu an. Beaucoup de personnes délaissent ce sujet, ils n'y pensent pas. Wa bawwalahu al-Imam Malik fi kitabihi faqala bab ma jaa 'anil mutahabbin fillah. L'Imam Malik rahimahullah, il a cité un chapitre dans son livre Al-Muwatta à ce sujet en disant le chapitre concernant ce qui a été rapporté, c'est-à-dire les textes, les hadiths qui ont été rapportés, concernant ceux qui s'aiment en Allah. Concernant ceux qui s'aiment en Allah. Yalaha min mas'alatin 'azima. Oh, quel sujet important. Wa yakfi fi ahammiyati hadha al-mawdu'. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhakara annahu sababun lidukhul al-jannah. Il suffit pour montrer l'importance de ce sujet, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que celui-ci fait partie des causes pour rentrer au paradis. Faqala sallallahu alayhi wa sallam lan tadkhulu al-janna hatta tu'minu. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi. وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous n'allez pas vous aimer mutuellement. أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِنْ فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ. Puis-je vous montrer quelque chose que si vous le faites, vous allez vous aimer mutuellement. أَفْشُ السَّلَامُ بَيْنَكُمْ. أَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Répandez le salam parmi vous. Et donc, on ne rentre pas au paradis tant qu'on ne va pas s'aimer mutuellement. Lidhalika qalatil ulama inna at-tawad wa at-tahab min fara'id ad-din. Et c'est pour cela que les savants nous disent que le fait de s'aimer mutuellement fait partie des obligations de notre religion. Il dit, l'imam Malik rahimahullah, après avoir cité la chaîne de transmission qui monte jusqu'à Abi Huraira, an Abi Huraira radiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbuna li jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah tabaraka wa ta'ala dira au jour de la résurrection: où sont ceux qui s'aimaient pour ma majesté? Où sont ceux qui s'aimaient pour ma majesté? Aujourd'hui, je vais les couvrir de mon ombre le jour durant lequel il n'y a nulle d'ombre que la mienne. Ce hadith, barakallahu fikoum, donc comme il est cité dans le Muwatta, il est aussi cité dans le Sahih de l'imam muslim. Fafi hadha al-hadith, ayyuha al-ikhwa, ithbatu sifatil kalami lillah. Il y a dans ce hadith le fait d'affirmer l'attribut de la parole pour Allah. Na'am, Allahu yatakallam. Allah tabaraka wa ta'ala parle. Il parle, tabaraka wa ta'ala, contrairement à ce que disent les négateurs. Allah tabaraka wa ta'ala dit clairement dans son livre « Wa kallama Allahu Musa taklima » et certes, Allah a parlé à Moussa. Il dit, tabaraka wa ta'ala, « Wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah » Si l'un des polythéistes te demande asile, alors accorde-lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala parle. Wa kalamuhu kulluhu sidqun wa adlun wa haqq. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala tout entière est vérité, justice. Et donc il est important qu'on comprenne cela. Il n'y a pas de contradiction dans la parole d'Allah. Femin huna jazim al ulama, ulama ul muslimun, ou ulama ul muslimin, bi an al kitab al musamma bil kitab al muqaddas laysa min kalamillah. Et c'est ainsi, barakallahu fikum, que les savants musulmans les répliquent aux chrétiens. Lorsqu'ils disent que la Bible n'est pas la parole d'Allah. La Bible n'est pas la parole d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » Ne médite-t-il pas sur le Qur'an? Le Qur'an, c'est la parole d'Allah. Ne médite-t-il pas sur le Qur'an? « Wa law kana min 'indi ghayrillah la wajadu fihi ikhtilafan kathira » Et si celui-ci venait d'autre que Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Et donc, la Bible, qui contient énormément de contradictions, n'est pas la parole d'Allah. Et c'est ici qu'il y a un point important. Barakallahu fikum. Beaucoup de frères, jazahumullahu khairan, ils ont envie de faire du bien. Ils veulent prêcher leur famille. Ils veulent prêcher leurs proches. Ils veulent prêcher leurs voisins qui sont chrétiens. C'est bien. Mais comment faire? Il faut déjà que j'apprenne ma aqida. Il faut déjà que j'apprenne ma croyance. Qu'est-ce que l'islam? Beaucoup vont chercher faussement à apprendre les débats interreligieux. Ils vont se dire, il n'y a pas assez. J'avoue, c'est vrai. J'avoue, c'est vrai. Il n'y a pas suffisamment de répliques sur les chrétiens venant des étudiants en sciences. Il n'y a pas assez. On a besoin de plus. On a besoin de plus. Les gens, ils en ont besoin ici en France. Ils ont besoin de comprendre que le Coran, c'est la parole d'Allah. Ils ont besoin de comprendre que la religion de l'islam, c'est la religion de vérité. Et donc, on a besoin de plus d'éclaircissements venant des étudiants en sciences. Taïb, est-ce que cela veut dire qu'on peut aller écouter n'importe qui lorsqu'ils vont débattre, etc., etc.? Non, ne fais pas ça. Et c'est là que certains vont prendre de mauvaises habitudes. Ils vont te dire, Dieu a dit. Lorsqu'il te dit Dieu a dit, Yaksudumen, il veut parler à Allah. Et ensuite, il te cite un verset de la Bible. Ayol, ne faites pas ça. La Bible, ce n'est pas la parole d'Allah. La Bible, ce n'est pas la parole d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala n'a fait descendre aucun livre qui s'appelle la Bible. Et donc, il est important, barakallahu fikum, qu'on comprenne cela. Oui, tu veux montrer aux chrétiens des versets bibliques. Tu dis, il est cité dans la Bible à tel et tel passage, mais ne dis pas Dieu a dit dans la Bible. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. On continue, barakallahu fikum. Il y a aussi dans ce hadith, Jawazu Kaul Allahu Yakul. Les savants, ils nous disent qu'il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis de dire Allah dit. Allah dit. Est-il permis de dire ça? Maintenant, je parle au présent. Mais la révélation est terminée. Elle est terminée, la révélation. Allah, il l'a déjà dit. El yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. C'est terminé. Et lorsqu'une personne va dire Allah dit dans le Coran, et que la personne ne dit pas Allah a dit au passé, est-ce que c'est permis ou pas? Les savants, ils nous disent, oui, c'est permis, il n'y a pas de mal. Tu parles au présent, mais il n'y a pas de mal. Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, Yaqulullah, yawm al-qiyamah. Allah dit au jour de la résurrection. Ce qui est voulu par là, c'est Allah dira. C'est Allah dira. Et donc, il n'y a pas de mal. Tu ne vas pas reprendre ton frère, il dit, Allah dit dans le Coran. Tu dis, non, Allah a dit, akhi. Allah a dit. Non, ceci est une erreur. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est une erreur. Les savants, ils ont abordé ce sujet. Jazakumullahu khairan. L'imam Al-Hafidh al-Nawawi a abordé cela dans le Sharh de Sahih Muslim. Dans l'explication de Sahih Muslim. Pour ceux qui veulent revenir à ce passage. Lorsqu'il dit dans le hadith, Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite la parole d'Allah, Aina al-mutahabbuna li jalali. Où sont ceux qui s'aiment pour ma majesté, pour ma grandeur, pour ma puissance? Fahaula yuhibbu ba'duhum ba'dan min ajli ad-din, la min ajli ad-dunya. Et ces gens-là, donc, ils s'aiment mutuellement pour la religion, pas pour la dunya. C'est pas parce que tu as de l'argent, c'est pas parce que, mashallah, tu peux me trouver de beaux camis au bled, ou alors, mashallah, tu peux m'aider à avoir de bons plans, des facilités pour des voitures, logements. Non, c'est pas pour ça qu'ils s'aiment. Ils s'aiment pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici, il y a un point important, les frères, que souvent, on oublie aussi. In kunta tuhibbu akhaka lillah, ma ma'na dhalik. Si tu aimes ton frère pour Allah, qu'est-ce que cela signifie? Ay annaka qalat al-ulama anta tuhibbuhu li ta'atillah. Tu l'aimes pour l'obéissance à Allah, par le fait que celui-ci c'est une personne qui obéit à Allah. Et donc tu vas l'aimer pour ça. Tayyib, si tu vois ton frère dans une mukhalafa, tu vois ton frère qui a accompli un péché, une erreur, il a dévié, qu'est-ce que tu fais? T'ascoutes, tu te tais? C'est ça aimer quelqu'un? C'est ça aimer ton frère en Allah? Tu le laisses dans l'erreur? Abadan, non, ne le laisse pas. Ne le laisse pas. Souvent, subhanallah les frères, barakallahu fikoum, on va avoir plus de courage à aller parler aux gens et à citer aux gens les erreurs de notre frère plutôt que d'aller le voir lui en personne. Subhanallah. Si cela t'arrive, barakallahu fik akhi, demande-toi, est-ce que tu aimes ton frère lillah? Parce que le fait que tu l'aimes lillah pour Allah, cela veut dire que tu aimes voir ton frère obéir à Allah. Donc si tu le vois transgresser, va le voir afin qu'il puisse revenir. Explique-lui, montre-lui. C'est son droit. Et rappelez-vous, barakallahu fikoum, mettez-vous à la place de cette personne qui se trompe ou qui est dans l'erreur ou qui commet un péché. Mets-toi à sa place. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous n'aura la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Si tu te trompes, si tu tombes dans un péché, si tu dévies, bien sûr que tu aurais aimé que les frères viennent te conseiller. Bien sûr que tu aurais aimé qu'on vienne te conseiller. On ne te laisse pas comme ça. Alors fais la même chose pour ton frère que tu aimes, lillah, tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre encore l'importance de ce sujet dont on parle. Les frères, barakallahu fikoum, souvent on le néglige ce sujet. Il nous montre l'importance de ce sujet en nous disant que celui qui a en lui trois caractéristiques, trois critères, il aura rassemblé, il aura goûté au plaisir de la foi. Et parmi ces caractéristiques qu'il cite, sallallahu alayhi wa sallam, la yuhibbul mar'a. Que lorsqu'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Ça fait partie de la foi, les frères. Que tu aimes une personne, tu l'aimes pour Allah. Et voilà l'erreur qu'on va trouver chez beaucoup lorsqu'ils nous disent « Ah, lui, c'est mon meilleur ami. » En parlant d'une personne qui est noyée dans les péchés. « Non, il n'est pas fidèle, mais c'est mon meilleur ami. » Comment ça, mon meilleur ami? De quoi? Comment ça? Oui, tu le prêches, je comprends. Ok, tu le prêches, tu veux lui montrer la vérité, etc., etc. Taïb, mon meilleur ami, il faut qu'on fasse attention, les frères. Il faut qu'on fasse attention. El mar'u ala dini khalili. L'homme est sur la même religion que son khalil, son bien-aimé, son meilleur ami. Et donc, il faut qu'on fasse attention, jazakumullah khairan, à ce qu'on dit. Taïb, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous cite ici dans ce hadith Qudsi que les serviteurs, du moins ces personnes qui s'aiment mutuellement, il va les placer sous son ombre au jour de la résurrection. Fait ba'dun nas qad yastashkilu hadha al-amr. Certaines personnes peuvent avoir du mal à comprendre cela. L'idée, يجب أن نرجع إلى العلماء. Et c'est pour cela, il est obligatoire qu'on revienne aux savants. Qu'est-ce qu'ils disent? الأحاديث تفسر بعضها بعضا. Les hadiths s'expliquent mutuellement. Tu vas trouver un hadith avec une narration, un autre hadith avec une autre narration qui va expliquer la première narration que tu avais du mal à comprendre. L'imam Muslim, il nous cite dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit تُدْنَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونُ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مَيْلِ. Il dit sallallahu alayhi wa sallam que le soleil sera rapproché des créatures au jour de la résurrection. Il sera très proche des créatures. Et donc à ce moment-là, comment les gens seront? Ils auront besoin d'ombre. Ici, pendant l'été, c'est l'été, les gens sont en train de dire « Waouh, on n'a jamais vu cette chaleur, oh là là, on n'a jamais connu ça, il fait chaud !» Taïb, le soleil il est encore loin, il est loin. Quand on est au bled parfois, « Waouh, il n'y a pas d'ombre, subhanallah !» Parfois on essaie de se coller au mur pour chercher la petite trace d'ombre qu'il y a. Il ne faut pas marcher au milieu de la rue, il fait trop chaud. « Yawm al-qiyama, au jour de la résurrection, le soleil sera rapproché. » Les gens, ils auront besoin d'ombre. Allah tabaraka wa ta'ala va accorder cela à certains de ses serviteurs. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed, rahimahullah, il cite dans son Mousned que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qala Allahu azza wa jal, al mutahabbuna bi jalali fi dhilli, au fi dhilli arshi yawma la dhilla illa dhilli. » Ceux qui s'aiment. Donc Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Ceux qui s'aiment par ma cause, ceux qui s'aiment pour moi, ils seront sous l'ombre de mon trône. Ils seront sous l'ombre de mon trône au jour de la résurrection, le jour où il n'y aura nulle d'ombre que la mienne. » Et donc lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala il parle de son ombre, c'est l'ombre de son trône. Taïeb ? Et donc il est bien important de comprendre ça. Barakallahu fikoum. Le deuxième hadith, il nous dit l'imam Malik rahimahullah, il nous cite la chaîne de transmission qui arrive jusqu'à Abu Sa'id. An Abi Sa'id al-Khudri radiallahu an. An ou an Abi Huraira. Donc une chaîne de transmission qui est authentique. Jusqu'à Abu Sa'id al-Khudri ou Abu Huraira. C'est problématique ou pas là? Pourquoi c'est pas problématique? C'est des sahaba. Jazakallah khair. Et donc ici il y a un doute. Ou une hésitation. C'est Abu Sa'id al-Khudri ou Abu Huraira. C'est pas grave. Parce que les deux sont des compagnons. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous le dit clairement dans le Coran, qu'il est satisfait d'eux. Il est satisfait de radiyallahu anhum wa radu an. Et eux sont satisfaits de lui. Ils sont satisfaits de ce qu'il leur a accordé. Et Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de qui d'autre? En Coran, Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de qui d'autre? Vas-y. El mu'minoun. Tous? Plus. Qui? Ceux qui suivent le chemin des sahaba. Ceux qui suivent les compagnons. Et donc Allah est satisfait des compagnons. Mais il est aussi satisfait de ceux qui les suivent. As-sahaba, at-tabi'oun, atba' at-tabi'oun, tous ceux qui les ont suivis, tous ceux qui ont suivi leur voie. As-sabiqoun al-awwaloun min al-muhajirin wal-ansar. Et donc ici il parle des compagnons parmi les muhajiroun et les ansar. Wal-ladhina at-taba'uuhum bi-ihsan. Et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Taïeb, et donc, il est important de comprendre cela. Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait des compagnons et il est aussi satisfait de ceux qui les ont suivis. Et donc, dans ce hadith, selon Abu Sa'id al-Khudri ou Abu Huraira radiyallahu anhu alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, annahu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, yawma la dhilla illa dhilluhu. Il y a sept, c'est-à-dire sept personnes, sept groupes de personnes que Allah tabaraka wa ta'ala va couvrir par son ombre le jour où il n'y aura nulle d'ombre que la sienne. Imamun adil. Un imam qui est juste. Shabun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rajulun kalbuhu muta'allikun bil masjidi. Un homme dont son cœur est accroché à la mosquée. Idha kharaja minha. Lorsque celui-ci est sorti de la mosquée, hatta ya'uda ilayhi. Jusqu'à ce qu'il revienne à la mosquée. Son cœur est attaché à celle-ci. Wa rajulani tahabba fillah. Et deux hommes qui se sont aimés en Allah. Ijtama'a alayhi. Ils se sont réunis pour sa cause, pour la cause d'Allah, et se sont séparés pour sa cause. Et un homme qui a fait le rappel d'Allah lorsqu'il était seul, isolé, et alors il a pleuré. Et un homme dont une femme qui est belle et qui a un haut rang l'a appelé. Elle l'a appelé à la fornication. Il a dit, certes, j'ai peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Et un homme qui a donc donné une aumône donc, et qui l'a cachée à tel point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a accompli. Tayyib, barakallahu fikoum, ya ikhwan, on commence donc par le début du hadith. Le premier qui a été cité dans ce hadith, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imamun adil. Un imam qui est juste. Premièrement, le hadith, il est dans Sahihayn. Et donc, un imam qui est juste. An-Nawawi rahimahullah, il cite toujours dans l'explication de Sahih Muslim, selon le Qadi Iyad, qui dit هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الغلاة والحكام. Imam adil, ce sont tous ceux qui ont une quelconque responsabilité dans les affaires des musulmans, parmi les gouverneurs et les juges. Et donc ici, barakallahu fikoum les frères, il y a un point qui est important de comprendre. C'est que ce qui est voulu par imam ici, ce n'est pas juste l'imam de la mosquée. C'est-à-dire, ce n'est pas celui qui va diriger la prière. Mais c'est plus général que cela. Tous ceux qui ont des responsabilités dans la situation, dans les affaires des musulmans. Dans les affaires des musulmans. Wa min huna. Nuwajjihu nasihatan ila ikhwanina. Et c'est de là qu'on va donner un conseil à nos frères, les responsables des mosquées, ainsi que les imams des mosquées, parce qu'ils ont une responsabilité dans les affaires des musulmans. Et donc il est impératif qu'ils adoptent la justice, qu'ils soient justes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Annahum yad'ouna an-nas ila al-khayr. C'est le fait qu'ils appellent les gens au bien. وَيُحَذِّرُونَهُمْ مِنَ الشَّرِ. Qu'ils mettent les gens en garde contre le mal. فَيَدْعُونَهُمْ إِلَى مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Ils vont les appeler à ce que Allah tabaraka wa ta'ala les a rendus obligatoires. فَإِنْ كَانَ الزِّنَا حَرَامًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَا نَقُولُ لِأَحَدٍ بِأَنَّهُ مُبَاحٌ. Et donc si la fornication est illicite dans le livre d'Allah, on dira à quiconque que celle-ci elle est permise. Car c'est une responsabilité que nous avons. C'est une lourde responsabilité que nous avons. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, « Alladhina in makkannahum fil ard, aqamus salat. » Ceux que si on leur donne autorité sur terre, si on leur donne autorité sur terre, ils accomplissent la salat. Wa ataw az-zakat, ils s'acquittent de l'aumône. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Tous ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné quelconque forme d'autorité sur terre. Et donc ça c'est important. Allah t'a donné une responsabilité. Tu dois ordonner le convenable. Le convenable, tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée. tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné et a incité à faire. C'est ça le convenable. C'est quoi le convenable, les frères? C'est tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de faire et nous a incité à le faire. C'est quoi le blâmable? C'est tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit et nous a mis en garde contre le fait de le faire. Et donc il est important, barakallahu fikoum, tous ceux qui ont une responsabilité, il ne faut pas qu'on pense que ça concerne que les gouverneurs. Mais nous avons aussi nos responsabilités, chacun, que nous devons assumer auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa shabun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants nous disent ici, fahadha ash-shab ta'atuhu lillahi akthar min ma'asi. Et nous disent, ce jeune-là qui a grandi dans l'adoration d'Allah, ses actes d'obéissance envers Allah sont plus nombreux que ses désobéissances, que ses péchés. وَهَذَا يَحُثُّنَا أَيُّهَا الْإِخْوَةِ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ عَلَيْنَا أَن نُرَكِّزَ فِيهِ تَرْبِيَةُ الْأَوْلَادِ. Et ça nous montre un point important sur lequel nous devons nous concentrer, l'éducation de nos enfants. عَلَيْنَا أَن نُحَبِّبَ إِلَيْهِمْ عِبَادَةَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Nous devons faire nos enfants aimer l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala. Aimer le rappel d'Allah. Mettre en place des rappels pour nos enfants à leur niveau afin qu'ils comprennent. Des cours pour eux. Les inciter à adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Mais malheureusement, subhanallah, aujourd'hui, on choisit la facilité. L'être humain aime la facilité. Il aime beaucoup la facilité. Quand j'étais imam à Villerue, parfois il y a des gens qui faisaient de longs voyages, qui pouvaient venir de Bordeaux ou du sud de la France. Pourquoi? Pour une ruqya. Alors lorsqu'ils arrivaient, la première chose que je faisais, c'était un cours sur le tawhid. Tu fais tout ce voyage-là pour une ruqya. Mais pourquoi? Et donc je donne des conseils à mes frères, à Chris, ça serait bien que tu fasses ci, tu fasses ça, etc. Mais fil ralif, en général, les gens ne suivent pas le conseil. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la facilité. Tu dis à Harry, c'est bien que tu fasses régulièrement tes ablutions. Sois à l'heure dans ta prière. Fais ci, fais tes actes d'adoration, etc. Délaisse les péchés. Mais on regarde tout ça comme si c'est une montagne. Et on se dit, on délaisse tout ça, on va voir le raki, c'est plus rapide. L'être humain choisit la facilité. Avec nos enfants, subhanallah. Nos enfants, ils font du bruit à la maison. C'est normal, c'est des enfants. Ils font du bruit, ils crient, ils sautent. Tayyib. La solution. Quelle est la solution? Est-ce que la solution, c'est qu'on se pose avec eux? Viens là, Yabni. Je vais te donner quelques exercices, quelques activités. On va faire un peu de mathématiques. On va faire un peu d'arabe. On va faire ci. On va faire quelques jeux pour que tu apprennes, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se poser avec nos enfants, passer du temps avec eux pour qu'ils apprennent, pour qu'ils avancent, ou bien les distraire. Tiens, mon téléphone. Tiens. Va jouer avec mon téléphone. Voilà la solution qu'on a trouvée. Subhanallah, l'Ali al-Azim. Tiens le téléphone. Alhamdoulilah, il n'y a plus de bruit. Et l'enfant, il est collé sur le téléphone. Collé au téléphone. Lorsque tu lui dis, c'est bon, arrête, j'ai besoin de mon téléphone. Il pleure tellement tu l'as fait aimer le téléphone. Et donc, barakallah, fikoum, les frères, il faut qu'on fasse un effort sur ce sujet. Il faut qu'on fasse un effort. Laissez vos enfants aimer l'adoration à Allah, l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qui est profitable pour nous. Lorsqu'on va mourir, qu'est-ce qui nous sera profitable? Que mon enfant, mashallah, il arrive à allumer l'ordinateur tout seul alors qu'il n'a que 3 ans. Il a réussi à trouver le code, il a réussi à rentrer dans les dossiers, etc. C'est ça qui nous sera profitable? Ou bien, waladun salihun yad'ula. Un enfant pieux qui invoque pour lui. Voilà ce qui est profitable au mort. C'est pas que ton fils il soit fort à la PlayStation ou je sais plus quelle console ils ont inventé maintenant. Et donc nous devons nous concentrer. C'est une responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos enfants. Yarhamukallah. ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. Et parmi les sept qui ont été cités dans ce hadith, il y a un homme dont son cœur est accroché à la mosquée quand il sort de celle-ci jusqu'à ce qu'il revienne à la mosquée. Jusqu'à ce qu'il revienne à la mosquée. Aujourd'hui, lorsque l'imam il dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah »« Assalamu alaikum wa rahmatullah » c'est la bataille pour aller dehors. Parce qu'on ne veut pas rester là. On a des choses à faire. Je ne blâme pas le fait qu'on ait des activités, nous avons des occupations de ce bas monde. Mais barakallahu fikoum, regardez toutes les hasanat qu'on peut prendre dans cette mosquée. Lorsque tu finis ta salat, que tu fais ton rappel, que tu fais tes adhkar, tout cela, tu es récompensé. Il est important qu'on profite de ça, de cette quiétude qu'il y a, de cette ambiance qu'il y a dans la mosquée. Tu vas sortir dehors, c'est une autre ambiance. Profite pendant que tu es là, notamment ici dans cette région de la France, la région parisienne. Subhanallah. Profitez des mosquées que vous avez pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Restez à la mosquée quand vous pouvez. Restez à la mosquée quand vous pouvez lire le Coran, essayer d'avancer au lieu d'aller perdre notre temps dehors à parler de voitures, de dunya, etc. Et ensuite, il y a un point important, barakallah, fait comme les frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit inna minkum la munaffirin, il y a parmi vous des gens qui éloignent les autres. Des gens qui éloignent les autres. Parfois, tu peux être la cause qu'une personne ne vienne pas à la mosquée. Shaitan, il va t'utiliser toi pour qu'une personne ne vienne pas à la mosquée. Ah, un tel il m'a mal regardé une fois. Bien entendu, c'est pas justifiable. Il n'a aucune raison, il n'a pas de raison sur ce sujet. Mais Shaitan a joué avec lui. Pourquoi? Parce que un tel a mal agi. Fala yanbaghi lana an nakuna sababan fi ibti'adi shakhsin min al-masjid. Et donc il n'est pas convenable, nous ne devons pas être la cause du fait qu'une personne s'éloigne de la mosquée. Nous devons faire attention à ça, barakallahu fikum. Et ensuite il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa rajulani tahabba fillah, et deux hommes qui se sont aimés en Allah. Et c'est le sujet du cours de ce soir. Ijtama'a alayhi wa iftaraqa alayhi. Ils se sont réunis pour sa cause et se sont séparés pour sa cause. Et donc les frères, les sahaba radiyallahu anhum ijtama'u 'inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons radiallahu anhum, ils se sont réunis, ils se sont rassemblés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris de lui la science. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se sont dispersés. Iftaraku fil amsar. Ils se sont dispersés dans les pays, dans les villes. Pourquoi? Linashri dinillah, pour propager la religion d'Allah. Ils se sont réunis pour la cause d'Allah et se sont séparés toujours pour la cause d'Allah. Et nous devons essayer de faire cela. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour la cause d'Allah et ensuite on va se séparer pour la cause d'Allah. Chacun va vaquer à ses occupations, essayer d'aller prêcher les autres à l'islam. Car comme je vous le dis, nous avons beaucoup d'opportunités ici dans ce pays pour prêcher les gens. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce que l'islam. Et d'ailleurs, en ce moment, les médias nous donnent un coup de pouce en cela. Parce qu'ils parlent beaucoup de l'islam. Bien sûr, ils parlent en mal. Je sais qu'ils parlent en mal. Mais le fait qu'ils parlent en mal de l'islam, ça fait quoi? Ça fait que des gens cherchent. Des gens cherchent. Et donc, les frères, barakallahu fikoum, il faut qu'on utilise cela. Les gens cherchent. Les gens cherchent, ils ont besoin de savoir, ils ont envie de savoir. Et donc, nous devons être prêts. Avec le bon comportement, avec la bonne argumentation, etc., etc. Nous devons utiliser tout cela pour appeler les gens à la religion de vérité. Al-Hafidh al-Nawawi, il dit concernant cette parole, donc deux hommes qui se sont aimés en Allah, il dit « Wa fi hadha al-hadith, al-hathu ala tahabbi fillah, wa huwa min al-muhimmat » فَإِنَّ الْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضَ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ. Et donc il dit, il y a dans ce hadith l'incitation au fait de s'aimer mutuellement pour Allah. Et ceci fait partie des sujets importants, car certes, le fait d'aimer pour Allah et le fait de détester pour Allah fait partie de la foi. Tout cela fait partie de la foi. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Et un homme qui s'est rappelé d'Allah, qui a fait le rappel d'Allah lorsqu'il était seul, alors il s'est mis à pleurer. وَفِيهِ الْحَثُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي السِّرِّ. Il y a en cela le fait d'inciter au rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsque nous sommes seuls. Lorsque nous sommes seuls. Les frères, vous connaissez le hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillaha haythu ma kunt. Crains Allah où que tu sois. C'est-à-dire, crains Allah que tu sois en public ou en privé. Tu dois craindre Allah. Mais ici, on aborde un autre sujet encore. En plus de craindre Allah, en plus de ne pas tomber dans le péché, tu fais quoi? Tu fais le rappel d'Allah. Donc, en plus de ne pas tomber dans le péché lorsque tu es seul, tu vas chercher à faire de bonnes actions. Et ça, c'est très important. Barakallahu fikoum. Et ensuite, lorsque tu fais le rappel d'Allah, vous vous rappelez lorsqu'on finit la salat et qu'on est là, subhanallah, subhanallah, subhanallah, tu fais subhanallah, parfois il y en a certains, ils font le tasbih et en même temps ils parlent à leur frère, subhanallah, ça va, akhina besalek, bien, ouais, ça va, alhamdulillah, alhamdulillah. Et donc on fait le tasbih, on fait le rappel d'Allah, mais on n'est pas concentré dans ce qu'on fait, on n'est pas concentré. Fahouna fi hadha al-hadith, yahuthula al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ta'ammul fi dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite à méditer lorsqu'on fait le rappel. Falidhalika baka ar-rajul. Et c'est pour cela qu'il a pleuré. Li'annahu rakkaz. Parce qu'il s'est concentré sur ce qu'il fait. Fata'ammal fi 'azamatillah wa qudratihi. Et donc il a médité sur la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais lorsque tu es là, tu taqra al-Qur'an, yalla alif lam mim, dhalika al-kitab la rayb. Allez, il faut que je lise pour lire. Je dois lire pour lire, c'est tout. Je veux le finir. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Nous devons méditer. Wa hakadha fi salat. Et c'est aussi comme ça dans la prière. C'est aussi comme ça dans la prière. Parfois, subhanallah, on n'est tellement pas concentré dans la prière. Tadhhab ila ar-rajul. Taqul lahu hal tadhkur ma hiya as-surah allati qara'aha al-imam anifan. Est-ce que tu te rappelles quelle sourate l'imam a récité tout à l'heure? J'étais là mais j'étais ailleurs. C'est ça le problème. Al-Fatiha. Du'a'un 'azim, c'est une invocation grandiose. Allah tabaraka wa ta'ala awjabahu 'alayna. Il nous a rendu obligatoire le fait de l'invoquer avec cette sourate. Ya laytana ta'ammalna fiha. Si seulement on méditait sur cette sourate pendant qu'on est dans notre prière. C'est pas ah, subhanallah. Ana arju an al-imam siyaqra bi sur'ah. Oh subhanallah, j'espère que l'imam va réciter rapidement parce que j'ai des trucs à faire, etc., etc. Il faut qu'on fasse attention. Et donc le fait de se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala, de méditer pendant qu'on fait le rappel d'Allah, c'est un sujet d'une importance capitale. ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله. سبحان الله. Un homme, donc une femme qui est belle et qui a un haut rang, l'a appelé à la fornication. Il a dit, certes, j'ai peur d'Allah. بارك الله فيكم يا إخوة. الفتنة من جهة المرأة حاصلة بجمالها. Les frères, la fitna concernant la femme, elle arrive avec la beauté de la femme. Il n'y a pas besoin qu'elle ait un haut rang. La femme, à partir du moment où elle est belle, c'est déjà une tentation pour l'homme. Mais ici, ذَاتُ حَسَبٍ ou dans d'autres narrations, مَنْصَبٍ وَجَمَلْ, une femme qui a un haut rang, donc en plus de sa beauté, elle a un haut rang. Mais ça ne suffit pas, c'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. هِيَ تَطْلُبُ الزِّنَا, elle l'appelle à la fornication. ذَاتُ إِلَى ذَلِكَ, elle l'appelle à cela. فِتْنَةٌ عَظِيمَ, une grande fitna. فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Alors il a dit, certes j'ai peur d'Allah. Subhanallah. يَا إِخْوَى الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ أَمْرٌ عَظِيمٌ. Oh chers frères, le fait d'avoir peur d'Allah, c'est un sujet très important que on néglige trop souvent. Le fait d'avoir peur d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il fait l'éloge de certaines personnes. Et il nous dit, Oulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab. Ces gens-là, ce sont ceux qui, ils invoquent leur Seigneur, ils cherchent le moyen de se rapprocher d'eux, ils cherchent le moyen de se rapprocher de lui. Lequel d'entre eux sera le plus proche de leur Seigneur? Ils espèrent sa miséricorde et ont peur de son châtiment. Ici, barakallahu fikoum, on a un problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a annoncé, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Vous allez suivre les voies de ceux qui étaient avant vous. Vous allez les suivre à la trace. Les compagnons, ils ont dit, الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Les juifs et les chrétiens, au messager d'Allah, il a dit, فَمَنْ. Qui d'autre? Qui d'autre? Et donc les musulmans, on va suivre les juifs et les chrétiens. Est-ce que vous connaissez la base de la aqidah des chrétiens, la base de leur croyance? Que Isa alayhi salam dhaha bi nafsihi limaghfirati dhunubi al-ibad. Que Isa alayhi salam s'est sacrifié pour le pardon des péchés des serviteurs. Il s'est sacrifié pour le pardon des péchés des serviteurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui les chrétiens, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que c'est bon. Issa, il a déjà fait le travail pour nous. Pour eux, c'est ça. Issa, il a déjà fait le travail pour nous. C'est bon, j'ai fait des péchés, ouais, mais Issa, il a fait le travail pour nous. Et aujourd'hui, nous, les musulmans, ils ne vont pas dire, Issa, il a fait le travail pour nous. Mais ils vont dire, Allah ghafour rahim. Oui, c'est vrai, personne ne va nier que Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Personne ne va le nier. Mais il ne faut pas oublier que Allah, il est chédid ou l'iqab. Que Allah est dur en punition. Il ne faut pas oublier ça, le fait d'avoir peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est un sujet lourd et important. لِذَلِكَ جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ السَّبْعَ الَّذِينَ يُذِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et c'est pour cela que Allah, tabaraka wa ta'ala, il a placé la personne qui a peur de lui parmi les sept qui vont bénéficier de son ombre au jour de la résurrection. La personne qui a peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ. Et un homme qui a donné une aumône et qui l'a cachée à tel point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné comme aumône. هَذَا يَحُثُّنَا أَيُّوَ الْإِخْوَى عَلَى الْإِخْلَاصِ. Ça nous appelle, aux chers frères, à Al-Ikhlas, le fait d'accorder à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif. Tu ne fais pas les choses pour les gens, pour que les gens disent « Masha'Allah, le frère, tout ce qu'il a donné, Masha'Allah, ce qu'il a fait, le frère. » Tu fais cela lillah tabaraka wa ta'ala parce que tu veux l'unifier. C'est permis de dire ça? Tu veux l'unifier? C'est permis? Dans l'acte d'adoration. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui propagent sur les réseaux sociaux qu'on ne peut pas dire unifier Allah. Ils nous disent, c'est pas, tu ne peux pas dire Tawhidullah. Qui fait Takulun Tawhidullah? Mais en Allah Wahid. Comment pouvez-vous dire unifier Allah alors que Allah est déjà unique? Comment pouvez-vous dire cela, unifier Allah alors qu'il est déjà unique? On répond quoi? On répond quoi? Développe. On reconnaît l'unicité d'Allah, mais en parallèle... Tu as donné la réponse juste dans tes premiers mots. Reconnaître l'unicité d'Allah. Lorsqu'on dit « Yajibu alayna an wahid Allah », il est obligatoire d'unifier Allah dans l'adoration. Qu'est-ce qui est voulu par là? Le mot « tawhid »« wahada yuwahidu » dans la langue arabe, c'est-à-dire le fait de rassembler ce qui est dispersé. Jam'ul mutafarriq. Rassembler ce qui est dispersé. Ça, c'est dans la langue arabe. J'ai plusieurs gobelets ici. Il y a plusieurs gobelets à droite, à gauche. Hein? Je dis, Ayallah, c'est nous wahiduha. On va donc rassembler tous les gobelets. Rassembler ce qui est dispersé. Ça, c'est dans la langue arabe. Mais un mot peut avoir une signification dans la langue arabe et avoir une autre fichara dans la législation. Un exemple, es-salat. Es-salat. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes, Allah et ses anges yusalluna ala nabi. Yusalluna ala nabi. Il y a un prêtre qui a écrit un livre entier pour répliquer sur les musulmans. Et au début de son livre, il nous dit les musulmans sont polythéistes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quelle est la preuve? Ce verset. Ce verset, ils disent Allah prie le prophète. Et donc vous dites que Allah il prie. On répond à quoi? On répond comment à ça, les frères? As-salat du'a. Barakallahu fi. Mais est-ce que ici c'est une du'a? Attention. Ayoua. Et donc on a dans le mot salat on a deux sens. Hein? Attention, dans le mot salat on a deux sens. Ad-du'a. Ça, c'est pour nous. Et donc, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous, on va faire es-salat ou al-nabi, on va invoquer pour lui. Lorsque Allah, tabaraka wa ta'ala, va faire es-salat al-nabi ou alors sur une autre créature d'Allah, tabaraka wa ta'ala, parce que ce n'est pas que pour le prophète, c'est aussi une récompense qui est accordée aux endurants. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. Ces gens-là, ils auront donc des salawat. Ici, ce sont des éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que sa miséricorde. Et donc, le mot salat, à lui tout seul, il a plusieurs sens. Il a plusieurs sens. Et donc, il est important de bien comprendre les sens. Et donc, il est bien important, barakallahu fikum, lorsqu'on parle de tawhid, il y a un sens, donc dans la langue arabe. Par contre, dans la législation, c'est comme nous a dit le frère, c'est le fait d'affirmer l'unicité d'Allah. C'est le fait d'affirmer l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, il y a aussi dans ce hadith, al-hathu ala al-infaq fil khair. Il y a aussi dans ce hadith le fait de nous inciter à dépenser dans le bien. Dépenser dans le bien. Parfois, on a du mal à dépenser dans le bien. Parfois, on pense un petit peu au compte en banque. Il y a la poche. Il y a quelque chose qui bloque la poche. On pense, on fait de mauvais calculs. On est des mauvais commerçants. De mauvais commerçants. Un mauvais commerçant, c'est un commerçant qui ne voit pas loin. Un commerçant qui ne voit pas loin est un mauvais commerçant. Je vous donne un exemple. C'est connu que le jour du Eid, les musulmans, ils vont aller faire des courses, vont s'acheter des différentes choses pour passer leur Eid ensemble. Pour passer leur Eid ensemble. Ou alors, c'est connu que pendant Ramadan, les musulmans vont rompre le jeûne souvent ensemble, et donc ils vont manger ensemble. Quelque chose qui est connu des musulmans, les musulmans, ils aiment bien manger, rompre le jeûne avec des dattes. Un commerçant qui ne vend que des dattes pour Ramadan. Je spécifie. Que des dattes pour Ramadan. Il a vendu ses dattes de Ramadan et ensuite il s'arrête là. On lui dit, c'est pas un bon commerce. Un bon commerce, il faut que tu cherches un commerce qui perdure. Et donc tu peux vendre pendant Ramadan et vendre après Ramadan, avant Ramadan. Mais ne te base pas que sur cette période. Ne cherche pas un commerce qui s'interrompt comme cela. Cherche un commerce qui perdure. Regarde loin. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, Inna alladhina yatluna kitab Allah. Certes, ceux qui récitent le livre d'Allah, ils lisent le livre d'Allah, ils œuvrent avec le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa aqamu salat, وَأَنْفَكُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًّا. Ils ont accompli la prière et dépensent de ce que nous leur avons accordé en privé et en public. Ils vont dépenser en privé et en public. Quelle est la récompense de ces gens-là? Il nous dit, tabaraka wa ta'ala, يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. Ces gens-là, ils espèrent un commerce qui ne va pas s'interrompre. Un commerce qui ne va pas s'interrompre. Al-Janna khalidina fiha, le paradis dans lequel ils resteront éternellement. Un commerce qui ne s'interrompt pas. Et donc, il est important de comprendre, ô cher frère, à chaque fois que tu vas dépenser, fils Abilillah, tu rentres dans ce commerce. C'est un commerce qui ne s'arrête pas, qui continue, qui perdure. Il y a un point important, barakallahu fikoum les frères. Ici, fi hadha al-hadith, fihi al-hath ala ikhfa'il ibadah. Il y a dans ce hadith l'incitation à cacher l'acte d'adoration. L'incitation à cacher l'acte d'adoration. Est-ce que le mieux c'est de cacher ce que tu fais ou de le faire publiquement? C'est quoi le mieux? Ça dépend de quoi? L'intention, le contexte. Ah là, c'est vague là. Si on donne envie de cacher pour garder cette action entre toi et Allah, et c'est bien de donner dans le monde pour inciter les gens à donner. Donc l'intention, tu reviens à ce qu'ils ont dit, l'intention. Quoi d'autre? L'intention, ça fait partie aussi donc des réponses des ulama. Mais il y a aussi un point important, les ulama, ils nous parlent de quoi? Barakallahu fikoum. Là, on va faire quoi dans 2 minutes ou dans 1 minute et quelques? On va faire l'adhan. Le adhan, normalement, c'est pas dans la mosquée. Le adhan, normalement, c'est tout le monde, tous ceux qui sont dehors, ils entendent le Eden. Mais on est ici en France dans une situation difficile. Qu'Allah nous facilite. Et donc, mais pourquoi est-ce que le Eden c'est public comme ça? Est-ce qu'il faut que tout le monde sache qu'on va prier? Là, celui qui fait l'appel à la prière, quand il fait l'appel à la prière et que des gens se dirigent vers la mosquée, tous ceux qui les voient se diriger vers la mosquée savent que ces gens-là, ils vont prier. Ils vont faire salat al-jama'a. Et donc ici, c'est plus caché, là. Mais là, ça a été rendu public. Type Ramadan. Lorsque Ramadan arrive, même les koufars, ils sont au courant. Ils vont même souhaiter aux musulmans bon Ramadan. Là, c'est rendu public. Alors là, les savants, ils nous disent, Al-ibada, in kanat wajiba, l'adoration, quand elle est obligatoire, alors il est mieux de la rendre publique pour inciter ceux qui ont des manquements dans cette obligation à accomplir leur obligation. Ceux qui ont des manquements en cela. Et l'adoration, lorsqu'elle est, lorsque c'est une adoration surérogatoire, alors là, c'est mieux de la cacher. C'est mieux de la cacher. Sauf si on a un autre contexte, encore une fois, pour pousser les gens à donner en aumône, etc. Taïb, les frères, il y a ici une autre réplique sur les chrétiens. Est-ce que vous savez que les chrétiens nous attaquent à chaque Ramadan? Chaque Ramadan, le même discours, depuis que je me suis converti, je le regarde. Depuis que je me suis converti. Quelle argumentation? Ils disent, oui, les musulmans vont jeûner. Mais nous aussi, nous avons un jeûne. Sauf que nous ne montrons pas publiquement ce que nous faisons. Sauf que nous ne montrons pas publiquement ce que nous faisons. Et là, ils vont blâmer les musulmans parce qu'ils montrent publiquement qu'ils jeûnent. Alors que non, les musulmans, ils ne jeûnent pas que pendant Ramadan. Les musulmans ne jeûnent pas que pendant Ramadan. Et lorsqu'ils vont jeûner de façon surérogatoire, le mieux est de ne pas le montrer. Par contre, lorsque vient le jeûne obligatoire, là, ils vont le montrer à toute la terre. Ils vont montrer à toute la terre. Wa alaykoum salam, hatoula barakatou. Pour que toute la terre suive. Barakallahu fikoum, ayo l'ikhwa. Onak mes'ela wahida, uridu an akhtima biha, inshallah ta'ala. Il y a un point avec lequel je voudrais conclure. Et ensuite, là, on aura fini donc les 2 premiers hadiths. Il nous restera donc demain à voir 3 hadiths. Important, inshallah ta'ala, dans ce chapitre. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. هذه المساله ايها الاخوه كما علمتم يجب علينا ان نتعلم ديننا. Il nous est obligatoire d'apprendre notre religion. il nous est obligatoire d'apprendre notre religion afin d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance. طيب هل معنى ذلك اننا ناخذ من كل من تكلم في الدين. Est-ce que cela veut dire qu'on va prendre la science de toute personne qui parle de la religion, toute personne qui prend un micro et qui dit « Call Allah », on prend ? Non, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a dans ce sujet, dans le hadith qu'on vient de voir, un point très important. Ici, on a vu une narration. Dans la narration de ce hadith, il est cité donc que la personne cache son aumône. La personne cache son aumône. حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ. À tel point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensé. هذا الحديث كما قلت لكم مخرج في الصحيحين. Ce hadith, comme je l'ai dit précédemment, il a été cité dans Sahihain, Al-Bukhari et Muslim. Sauf que la narration de l'imam Muslim, elle cite à la fin حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا أَنْفَقَتْ شِمَالُهُ. La narration de l'imam muslim, elle cite à tel point que sa main droite ne sait pas ce que sa main gauche a dépensé. Est-ce qu'il y a un problème ici? Est-ce qu'il y a un problème ici, les frères? C'est deux mains opposées. Donc la première fois, et ce qui est connu, c'est que c'est la main droite qui a dépensé et la main gauche qui ne savait pas, qui ne sait pas combien a dépensé la main droite. Et la deuxième narration, c'est la main gauche qui a dépensé et la main droite ne sait pas combien a dépensé la main gauche. Et donc ici, il y a eu une erreur. Taïeb, est-ce qu'on va dire que ce hadith, il est faible pour cela? Je vous pose une question. Le hadith qu'on a fait entièrement, Alhamdoulilah, on a vu les sept types de personnes qu'Allah tabaraka wa ta'ala va couvrir par son ombre au jour de la résurrection. Est-ce que pour ceci, on va dire le hadith est faible? Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. On va dire cette narration-là qui a cité que la main droite ne sait pas ce que la main gauche a dépensé, cette narration-là, celle-là, elle est à mettre que de côté. Mais tout le hadith, il est authentique. Tout le hadith, il est authentique. On ne va pas le rejeter. Et cet exemple-là, barakallahu fikoum, parce qu'il est clair, parce que tout le monde, les gens de façon générale connaissent ce hadith. Si une personne vient aujourd'hui et nous dit, le hadith, il est da'if. Tout le monde va regarder, va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait depuis notre enfance, on entend ce hadith. Personne ne l'a jugé faible. Il est authentique. Oui, le hadith est authentique. C'est un hadith qui est authentique. Le plus haut degré d'authenticité, il est dans Sahihain. Mais pourquoi est-ce que je vous cite cela, les frères? C'est parce qu'on a certains prédicateurs. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nos enfants, on leur donne le téléphone pour qu'ils restent sages. Eh bien, ils vont perdre du temps sur leur téléphone. Les adultes aussi, ils vont perdre du temps sur le téléphone. Les adultes, ils vont chercher la facilité. Je cherche sur tel sujet, eh bien, au lieu d'aller apprendre, au lieu d'aller chercher dans les livres, au lieu d'aller demander aux gens de science, je regarde YouTube. YouTube, Google, etc. Et c'est là qu'on tombe sur des prédicateurs qui ont du mal avec la sunna. Qui ont du mal avec la sunna. Un hadith qui est authentique. De génération en génération. Quel hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit سَتَفْتَرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبَعِينَ فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا. Il nous dit cette communauté va se diviser en 73 groupes, tous dans le feu sauf un. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique, de génération en génération, les savants du hadith l'ont accepté. Et ensuite, il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le groupe sauvé? Il dit, Man kana ala mithli ma ana wa ashabi. Il dit, celui qui a la même pratique que moi ainsi que mes compagnons. Ça y est. Il y a un individu sur YouTube et ses vidéos sont très propagées. Très propagées. Et cette vidéo particulièrement, elle est très propagée. Il nous dit le hadith est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a une narration qui montre une erreur, qui dit que en fait, il y a donc sur les 73 groupes, tous au paradis sauf un. L'inverse. comme on a avec la main gauche et la main droite. Il nous dit, à cause de ça, le hadith, il est faible. Le hadith, il est faible. Non. On fait comme on a fait pour le hadith qui est dans Sahih Muslim ici. Le hadith, il est authentique, mais la narration ici, elle est à rejeter. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, barakallahu fikoum, à faire attention de qui on prend notre religion. Chez qui on apprend. Il faut arrêter, c'est trop facile, YouTube, on cherche même... Parfois, on écoute des audios d'une personne, on ne sait même pas comment il s'appelle. On ne sait même pas comment il s'appelle. Ce sujet, c'est un sujet de paradis ou d'enfer. Ce sujet, c'est un sujet de paradis ou d'enfer. Il faut faire attention. Juste pour finir, Inch'Allah, une question importante. Est-ce que vous savez ce qui a causé la perte de la communauté chrétienne? Est-ce que vous savez ce qui a causé la perte de la communauté chrétienne? Parfois, en fait, c'est bien. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle dans son livre à étudier l'histoire. Dans son livre, il nous cite les histoires des peuples précédents afin qu'on en profite aujourd'hui. C'est bien d'étudier l'histoire. Comment les chrétiens ont dévié? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, barakallahu fikoum, qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ils ont divergé. Les musulmans, est-ce que les musulmans ont divergé? Oui, les musulmans, ils ont divergé. Alors, les chrétiens n'étaient pas d'accord entre eux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils inventent un écrit. Ils inventent un écrit. Écrit par Saint Untel, apôtre de Jésus-Christ. Et il fait tout un écrit inventé. Et ensuite, il l'amène, il dit, voilà un écrit saint, un écrit divin, la parole d'Allah, la parole de Dieu. Et ensuite, les gens, ils prenaient cet écrit. L'auteur, on ne connaît pas. Allahu alam c'est qui, mais apparemment, c'est la parole de Dieu. La Bible, du début à la fin, elle a été remplie d'ambiguïté comme cela. Des personnes qui viennent, on ne sait pas c'est quoi leur nom, on ne sait pas c'est qui, et ils ont pris. Et ils ont pris. Et aujourd'hui, tu les vois, ils font énormément d'efforts. Oui, mais le Seigneur Jésus-Christ a dit. Mais qui t'a dit qu'il a dit? Oui, c'est un tel. Mais c'est qui un tel? C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Et subhanallah, aujourd'hui, nous les musulmans, on va faire la même chose. On va apprendre notre religion chez des personnes. C'est qui? Il parlait bien. Il y avait une vidéo, mashallah, un beau décor, etc. C'était vraiment, elle était belle la vidéo. Et donc il faut qu'on fasse attention les frères. C'est un sujet de paradis ou d'enfer. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.